Sous-lieutenant Guy Allais, là-bas, avec ceux qui souffrent. Une lecture d'Alain Prot pour le site audiocité.net. Ce livre est paru pour la première fois en 1917 à la librairie Garnier Frères à Paris. Il n'a jamais été réédité et cette édition est celle d'Isec Édition qui date de 2024. À mon frère Noël, à mes deux amis Pierre et Jean-Gabriel que j'aimais tant, tous trois morts à l'ennemi, en brave, comme il faut mourir. Pour les mamans, Courgivaux, septembre 1914. C'est aujourd'hui vers le milieu du jour qu'il est tombé. Les soldats avançaient en tirailleurs, à travers bois, et faisaient de grands bonds, la tête basse, très vite, à cause des balles qui passaient, claquant aux arbres, si nombreuses qu'elles faisaient en passant une longue plainte douce, un froissement continu de voiles qu'on déchire. Les hommes tués tombaient la figure dans l'herbe, sans crier, avec un grand choc sourd. Les soldats couraient plus vite et se couchaient pour tirer devant eux sans rien voir. Lui, je l'ai vu tomber. C'est en plein ventre que la balle est entrée. Je ne l'ai pas entendu gémir, mais sa figure est devenue blanche, toute blanche, comme une pierre de craie. Je ne crois pas qu'il ait remué beaucoup, deux ou trois fois peut-être, puis son corps est devenu tout flasque et sa pauvre tête s'est enfoncée dans l'herbe. Les yeux grands ouverts. Un peu d'écume rose a coulé sur son col de capote, par les coins de la bouche. Vers le soir, il a repris connaissance. Tout autour de lui, sous les arbres, c'était déjà la nuit qui vient, la nuit terrible à ceux qui vont mourir. Là-bas, on dirait que la bataille s'est tue. De temps à autre, un coup de fusil claque, et le choc rythmé des gros obus résonne, qui s'en viennent par trois, et font dans la nuit sombre trois éclairs rouges qui s'allument. D'abord, il n'a pas souffert. Sa tête lui semblait légère, si légère qu'il n'a pas su tout de suite ce qui était arrivé. Puis la douleur est tombée sur lui, d'un seul coup, plantant dans sa chair une griffe si dure que tout son corps en a frémi. Alors ceux qui mouraient aussi dans l'herbe autour de lui ont entendu le cri terrible que sa pauvre gorge a poussé, et puis ce cri s'est assourdi très vite pour devenir la plainte affreuse, si profonde, de ceux qui luttent contre la mort. C'est à ce moment-là qu'il vous a vu et qu'il s'est mis à vous appeler de tout son être, de sa pauvre chair sanglante et de son âme angoissée, à vous appeler sans cesse sur ce ton monotone et si triste qu'ils ont tous. « Maman, maman, maman !» Pendant des heures. Les heures si longues de cette nuit dernière où ses yeux chavirés sous ses paupières blanches vous ont vu. Et tous autour de lui avaient cette même plainte navrante d'enfant qui souffre. Dans le fond du bois, un soldat blessé d'une balle à la tête commandait sans arrêt au fond de son délire « Avancez ! Feu ! Avancez ! Feu ! Avancez ! Feu ! » Une autre plainte, enfin, pour varier la chanson de ceux qui vont mourir. « J'ai soif, oh, j'ai soif !» Tout cela faisait une étrange clameur dans l'ombre, et nous qui l'entendions monter tout autour de nous, couchés en tas, vaincus par l'affreuse fatigue d'un jour de bataille, nous avions le cœur serré d'entendre tous ces mourants souffrir. Sa voix s'est affaiblie vers le matin, à cause du sang qui s'en allait et qui faisait sous lui une flaque plus grande. Puis son délire a commencé, alors il a cessé de souffrir et ses yeux vous ont perdu. Nul ne sait quel songe bizarre a hanté son agonie jusqu'au jour. Il a crié deux fois, du fond de sa torpeur, « Donnez 40 ! Donnez 40 !» Et sa voix avait cette monotonie sans accent des dormeurs qui parlent en rêvant. Enfin, l'aube s'est levée et votre fils est mort. Doucement, tout doucement. Ses deux bras se sont étendus à ses côtés, ses mains, une ou deux fois, ont gratté la terre, son corps s'est raidi, sa bouche s'est ouverte et sa face est devenue de cire. Le soleil de midi, quand il perça sous les branches, éclaira sa figure assombrie et ses lèvres déjà noires. Des mouches bourdonnant se sont posées sur son visage. Deux. Un blessé. Poste de secours, ravin du Basil, avril 1916. Celui-là fut touché ce matin d'un tout petit éclat d'obus à la tête. Il est venu tout seul ici se faire panser. Très excité, parlant beaucoup, il disait « Ce n'est rien, je vais m'asseoir une minute. » Au-dessus de l'oreille, un petit trou rougeâtre, à peine visible, simple écorchure de la peau sans doute, par le petit fragment de fonte. L'infirmier, déjà, lui avait pris la tête pour mettre un peu d'iode sur la plaie, quand tout à coup, je le vis qui regardait ses doigts, puis la tempe du côté opposé, et qui appelait d'un signe l'aide-major. L'éclat d'obus a traversé le crâne, un peu de cervelle a coulé, et l'homme est là, debout. Il ne souffre pas, seulement il parle sans cesse, répétant toujours les mêmes phrases. Ses yeux sont étranges, un peu voilés, et l'un d'eux se ferme à demi, ce qui donne à sa pauvre figure un air de rire qui fait mal à regarder. D'abord, il a crié contre ces gens qu'il avait fait asseoir et qui voulaient qu'il restât là sans rien faire pour une égratignure. Il a fallu que le médecin le raisonnât, lui dit « Attends un peu, c'est moi qui te garde. On va te donner quelque chose à boire, tu t'en iras bientôt, dans une heure. Il faut que tu te reposes. » Le blessé s'est assis, sans mot dire, en haussant les épaules. Tous autour de lui, nous étions là qui savions sa blessure et qu'il allait mourir. Lui ne savait rien. Il est resté tranquille un bon quart d'heure, sans presque un mouvement. Puis, doucement, il a penché sa tête et s'est mis à vomir sur lui, sur ses mains, sans effort, sans même s'en apercevoir. Sa bouche s'est tirée dans un affreux sourire. Alors, on l'a couché sur un brancard, à côté des autres. Je suis parti rejoindre ma section un peu plus haut, sur le bord de la crête où nous sommes terrés dans des trous d'obus qu'il faut tenir et qui nous sauvent des balles. Le jour a fini par s'éteindre après les heures brûlantes, si longues que furent celles d'aujourd'hui. Depuis midi, le bombardement n'a pas cessé une minute. L'attaque allemande n'a pas eu lieu. Vers 5 heures, un avion de chez nous les a vus, massés, tassés dans leur parallèle, attendant le signal du départ. L'aviateur a demandé le tir de barrage et pendant plus d'une heure, nos canons ont donné, jetant sur les soldats gris affolés, des milliers de projectiles. Je crois que si l'attaque était venue, les Allemands nous auraient pris. Les hommes n'étaient plus que des bêtes fourbues, endormies au soleil, à plat ventre au fond des trous d'obus, avec leurs sacs sur la tête. La peur physique et le martèlement continu des gros obus qui tombent finissent par abattre les plus résistants, au fond d'un lourd sommeil. La lune s'est levée. Sur la clarté pâle de son disque, un tronc mort se détache, brisé par les morceaux d'obus. La bataille est finie pour ce soir, et petit à petit, le silence descend. Il faut manger et travailler pour demain recommencer à se battre. Des deux côtés, on fait la trêve pour les mêmes besoins. Les hommes, qui savent qu'elle sera courte, se hâtent fébrilement et tout le bois se peuple des survivants qui, de toutes parts, sortent des trous. Je suis allé jusqu'au poste de secours avec 2 hommes pour chercher un brancard. Un chez nous est là depuis 10 heures, les 2 cuisses broyées, et les blessés sont si nombreux qu'il faut soi-même brancarder ceux qu'on trouve au hasard. Devant moi, le ravin descend presque à pic sur la pente raide, une fourmilière de soldats qui s'agitent, se hâtent et s'interpellent. Partout des blessés cherchent le poste de secours et se traînent. Chaque minute un obus passe, prodigieusement rapide, à la même place et va tomber là-bas, dans le bois du chapitre, sur le sentier qu'il faut prendre pour aller à Souville. C'est le seul chemin pour sortir du ravin. Les blessés qui peuvent s'en aller eux-mêmes ont si peur d'être tués en remontant la pente qu'ils préfèrent attendre le petit jour où souvent la pièce s'arrête pendant une heure. Il est tombé pendant le jour tellement d'obus que vraiment j'ai du mal à retrouver ma route sur le sol bouleversé. Et puis, c'est déjà la troisième nuit que nous passons et les forces s'en vont. Devant moi, tout le fond du Basile est rempli d'une fumée bleuâtre qui sent le soufre et prend à la gorge. L'air pesant est immobile, mais quand parfois un souffle chaud se lève, on respire cette odeur étrange des champs de bataille, parfum chimique et senteur pourrie de chair qui brûle. J'ai fini par trouver l'entrée du poste de secours. La foule était si grande de ceux qui venaient là que j'ai dû m'arrêter et attendre. C'est alors que j'ai revu le blessé de ce matin. Un brancardier qui sortait prendre l'air un instant pour ne pas défaillir au fond de ce couloir sombre où l'on pense les hommes entassés était celui que j'avais vu le matin, les doigts pleins de cervelle au contact du crâne percé. Et voici ce qu'il me dit. « Te rappelles-tu celui qui est venu quand tu étais là ? Eh bien, mon vieux, tu parles d'un phénomène. Toute la journée, il a fait joujou avec deux cartouches qu'il voulait faire tenir en équilibre l'une sur l'autre. » Ici, un passage censuré. Il est mort seulement tout à l'heure. Tiens, il est là. Ceux qui sont morts, on les pousse devant la porte, et le dernier est celui-là. Je distingue sa tête au paquet blanc, taché, des pansements qu'on a mis sur son crâne. Une jambe est pliée, l'autre se dresse déjà raide, dépassant le bord du trou d'obus où le mort repose. Le cimetière de Bévaux, avril 1916. Hier, nous sommes arrivés à Audainville, partis vers midi de la citadelle. Le régiment vient de reprendre le bois de la Caillette et attend ici les camions qui viendront nous chercher. Nous irons au repos, loin d'ici, loin de ce Verdun sinistre et de son bruit de forge gigantesque qui ne cesse ni jour ni nuit. Au repos. Dans un pays où il y aura des feuilles, de l'herbe, du silence, où nous arriverons maigris, sales, la figure tirée par 15 jours de souffrance et d'angoisse. Il pleut. La pluie tombe froide, monotone. Sous les portes, des hommes qui fument regardent passer silencieux les attelages d'artillerie jaunes de boue liquide avec leurs chevaux fantômes qu'on dirait taillés dans du bois tant leur chair est maigre et durcie. J'ai quitté Audainville pour aller jusqu'à l'hôpital Bévaux chercher la tombe de Jean et lui dire adieu avant de partir. Vraiment, je n'aurais pas cru la route si longue. À gauche, le canal et la Meuse se suivent, estompés dans les nuages de pluie fine que chasse le vent par grandes ondes régulières. Sur le canal, des files de péniches, immobiles, arrêtées là depuis que les Allemands occupent Saint-Mihiel. On y loge des soldats. Sur quelques-unes, les mariniers vendent du café. Il n'y a plus de vin par ici. Un cheval mort sur la route, écrasé par un camion. On l'a poussé dans le fossé, sur le dos. Ses jambes sont raides et se dressent écorchées, couvertes de sang qui fait des stries brunes sous le poil. Son ventre énorme et lisse est ruisselant de pluie. Toute la région arrière de Verdun a la même teinte jaune et pelée, sans une tache verte où l'œil se repose. Des centaines et des centaines de petites tentes s'alignent. Entre les files, des chevaux au piquet qui tapent, se mordent ou jettent vers le ciel leurs pauvres têtes. Aux naseaux, la musette vide qu'ils secouent et remâchent pour tromper la faim. Qu'il est triste, ce sol où toute l'herbe est broyée, arrachée, dévorée, où les arbres ont l'écorce rongée par les chevaux, partout où les pauvres bêtes ont pu saisir avec leurs grandes dents jaunes. Voilà le cimetière devant l'hôpital, comme ils sont nombreux ceux qui dorment là. Tous ont piqué sur leur tombe une petite croix avec une plaque en fer blanc qui porte leur nom, le numéro de leur régiment et le jour de la mort. Ici, ce sont déjà des morts un peu connus qu'on a mis sous la terre. Ils sont identifiés dans l'hôpital sinistre où les voitures les amènent pour qu'ils meurent. Je pense à l'angoissante agonie de ceux qui viennent finir là. Sortir de l'enfer et venir jusqu'ici, cahotés, secoués, hurlant dans les voitures qui sautent sur les routes en fondrière, voir un lit, des médecins, ne plus entendre qu'assourdis l'affreuse machine à tuer qui ronfle et secoue la terre, là-bas, vers Souville, et puis mourir, s'en aller après ce grand coup d'espoir. Et mon pauvre Jean est mort là, au matin, il y a 2 jours. J'ai eu peur un moment de ne pas trouver sa tombe. Il y en a tant déjà de ces petites bosses de terre, tant de ces petites croix dressées sous la pluie avec le tintement métallique des plaques aux rafales qui passent. La voilà cependant. Il n'est pas seul. Le capitaine de B est près de lui et d'autres qui portent sur leur croix 74e d'infanterie et la date, avril 1916. Je reste là, le cœur d'abord insensible et sans chagrin. J'ai déjà vu cette indifférence atroce devant la mort, que l'on voit, que l'on touche du doigt. Pour nous, soldats, nous ne pouvons pas comprendre tout de suite l'horreur de ce « jamais plus », de cet arrachement d'un être aimé. Il faudra que mes nerfs se détendent, que je dorme. Il faudra que j'oublie. Plus tard, dans 8 jours, dans 15 jours, un son de voix, une phrase me reviendront. Le sentiment d'une présence familière près de moi. Le pauvre mort aura mis sa main sur mon épaule pour me dire « Je suis là ». Alors, je pleurerai. Je sentirai mon cœur se tordre et j'appellerai du fond de ma douleur celui qui est parti, que jamais, jamais, je ne verrai plus. Mon pauvre cher Jean, pourquoi m'as-tu laissé? J'ai déjà vu tuer mon frère et je m'étais fraternellement lié à toi. Nous souffrions les mêmes souffrances, et combien de fois les mêmes souvenirs nous ont fait sourire ou pleurer, et je n'étais même pas près de toi à ton heure dernière. As-tu pensé à moi au moment de partir, au fond du brouillard rouge où tes yeux se perdaient? As-tu pensé que je n'étais pas là pour te voir mourir? Et maintenant, tu dors là, un peu de terre froide sur ton front de cire, tu dors au milieu de tes amis, de ceux que nous aimions tous, et qui sont morts avec toi dans ce grand hôpital triste. À côté de sa tombe, tout près, un grand four de briques fume, et l'odeur affreuse de ce qui brûle soulève le cœur. Un tas énorme, une meule véritable de pansements que l'hôpital a versé là, et que 2 hommes en calot, sous la pluie qui ruisselle, prennent à la fourche et mettent au brasier. Il y a de tout là-dedans. Des compresses de tous les rouges, depuis le sang frais jusqu'au sang pourri strié de pus jaune et crémeux, vert sombre ou noir. J'ai le cœur saisi d'un tel dégoût, d'un effroi si terrible en pensant que tout cela vient des hommes, que peut-être un jour on enlèvera de mon corps des paquets sanglants et pourris de ce qui est ma chair vivante aujourd'hui, saine et pleine de sang. Je suis rentré sous la pluie qui tombe, monotone, et que le vent me jette à la figure. Là-bas, c'est Verdun qui s'allume pour le soir. Les fusées montent, s'épanouissent, rouges, vertes, blanches, avec la grande clarté subite des obus incendiaires. Et toujours ce bruit de choc qui ne cesse pas, de machines à tuer qui grondent, machines à tuer toute la force, toute la jeunesse qui vient là, se jeter et mourir, pour arrêter Guillaume et ses soldats gris. 4. Dans la parallèle de départ, Douaumont, mai 1916. Il est 10 heures. À l'heure H, 1h-10, le commandant vient d'envoyer aux officiers sa montre et l'ordre écrit. La compagnie attaquera l'élément de tranchée dit « tranchée des Hongrois » compris entre les points A et C sur le plan directeur. Et voilà, c'est fini, l'ordre d'attaque est arrivé, les hommes taillent des gradins dans le parapet pour sauter tout à l'heure. Je sais bien que nous sommes venus ici pour prendre Douaumont. ce n'est un mystère pour personne qu'il va falloir une fois de plus exposer sa chair. On le sait, les hommes le savent tous. Et pourtant, jusqu'à maintenant, jusqu'au passage de cette montre, de ce pli que j'ai eu dans les mains, que j'ai donné à l'agent de liaison pour qu'il le porte au lieutenant, ma pauvre tête a douté, a espéré. Je n'en sais rien moi-même, un contre-ordre, une relève, l'opération remise, que sais-je. Un tas de folies que ma volonté rejette à mesure qu'elle se présente, que je ne veux pas croire, auxquelles je ne veux pas penser, tout entier à ce sentiment qu'il faut avoir, se tenir correctement devant la mort. Ce n'est pas bien difficile de dire cette petite phrase, mais quel effrayant effort il faut faire, mon Dieu. Quelle chose affreuse. Se dire, en ce moment je suis moi, je suis tout entier moi, mon sang circule et bat dans mes artères, j'ai mes yeux, toute ma peau est intacte, je ne saigne pas. Si on arrêtait, si on cessait cette affreuse guerre maintenant, tout de suite, je pourrais m'étendre et dormir sous ce soleil. Oh, dormir en pensant que c'est fini, que je vivrai, que j'aurai des joies, des peines, de la douleur, des jouissances, que je ne serai pas tué. Oh, faiseur de belles phrases, qui avez écrit dans vos journaux, qui avez peint de couleurs éclatantes l'enthousiasme et l'ivresse des soldats qui vont donner leur peau. Comme je voudrais vous voir ici près de moi, vous tenir à l'épaule et rire de la pâleur d'angoisse qui blanchirait vos faces de menteurs. Ce n'est pas le sourire aux lèvres que meurt le soldat en faisant son devoir. Ce serait trop facile. 10h15, encore 35 minutes. Les Allemands répondent à notre tir. Ce matin, à 4h, à notre arrivée, ils ont envoyé 2 obus en plein dans les parallèles. Après, plus rien. Les vieux comme moi ont regardé le point de chute et se sont tus. Un caporal de ma section a dit simplement, avec ce rire affreux qu'ils ont quand ils sentent la mort et qu'il lui rit à la figure, « Tiens, Fritz a marqué sa place. » Irons-nous jusqu'au départ de l'attaque? Maintenant, ils tirent sur nous. C'est mathématique et précis. Nous sommes dans une ancienne tranchée à eux. Ils sont payés pour en connaître la place. Ce souffle qui se lève derrière cette haute crête, ce souffle qui vient de si loin, de là-bas où l'on devine l'artilleur ennemi et sa pièce, au fond d'un trou, je l'entends qui s'enfle. L'obus descend, le bruit augmente, c'est un roulement sourd, au rythme coupé qui s'enfle, qui s'enfle. Oh, il a passé. Au suivant, et le suivant arrive, et dire que pendant 23 années on s'est occupé de moi, de ma santé, de mon bien-être, de mes petites maladies d'enfance. Ah, un qui est tombé juste. Hé, sergent, un tel est tué, un autre va mourir, il y a 3 blessés. Il est tué. Oh, s'en aller, se sauver, fuir droit devant soi les lèvres serrées, fuir comme une bête traquée, se sauver à l'arrière n'importe où, dans les couloirs de Souville, au ravin du Basile, n'importe où, mais ne pas rester là. Ils vont nous tuer tout à l'heure. Dans une seconde, l'obus sera sur moi, près de moi, sur cette pierre petite qui brille au soleil. Il y aura une grande flamme, un cri, puis je serai là les cuisses brisées, le ventre déchiré, tout sanglant, les yeux grands ouverts et la face toute blanche. Ou bien ce sera sur ma tête, sur mon casque qu'il tombera, on ne verra rien. J'aurai la tête coupée, arrachée des épaules. Vraiment, ces minutes sont longues. Et toujours se tenir. J'ai même un sourire sur les lèvres. Oh, ce sourire, que de fois je l'ai vu. Ce sourire pâle qui tremble un peu, tiré au coin de la bouche. On doit se tenir correctement devant la mort. Autrefois, avant la guerre, je me suis demandé souvent avec terreur comment un condamné à mort pouvait avoir la force de marcher à la guillotine. Je sais, maintenant. Et pour nous, c'est plus terrible. Nous avons la souffrance à craindre, qui pour lui n'est jamais longue. 10h30. Encore 20 minutes. Maintenant, j'ai hâte que l'heure avance. Il faut attaquer, attaquer tout de suite ou nous serons broyés là sans bouger. Mon ami J, mon chef de section, fume à côté de moi, tranquille. Moi aussi j'ai fumé tout un paquet de tabac depuis 2 heures et je fume encore. Mais lui est plus calme. Il est couché dans le fond de la parallèle, appuyé sur un coude. Je vois sa botte graissée qui reflète le soleil, son Burberry tout neuf à peine sali, son couvre-casque, un coin de sa figure. Et dire qu'il pense, comme moi, qu'il voudrait vivre, qu'il voudrait tant s'en aller. Je l'ai vu tuer 20 minutes après, d'une balle en pleine tête, en avant de ses hommes. Il n'a pas souffert. Les hommes sont immobiles, la figure collée dans l'angle du parapet, ramassée, écrasée contre le mur de terre. Il y en a un qui est assis face aux obus et qui regarde ses chaussures. Leurs visages sont calmes, le mien l'est aussi, j'en suis sûr. J'ai même ri tout à l'heure. Ah, quelle force nous avons, pauvres êtres misérables, pour sourire et tenir calme notre visage quand tout notre être voudrait bondir et hurler de terreur. Quand le moindre poil de notre corps se hérisse à la pensée du coup, du choc brutal que donnera le morceau de fer qui peut nous tuer. Les Allemands sentent venir l'attaque et leur tir s'accentue. La terre est secouée sans cesse et sur nous tombe la cendre grise de la poudre, cette brume qui sent la mort et le soufre, affreuse odeur chimique qui fait étouffer. 11h15. J'ai fait 20 mètres dans la tranchée, enjambant les hommes qui presque tous ont salué d'une blague, d'une plaisanterie. J'ai trouvé le lieutenant L, mon ami M, et les ordonnances. Les deux officiers sont aussi tranquilles qu'à l'exercice. Un des ordonnances m'a dit bonjour et m'a versé dans un quart un peu d'eau-de-vie tiède que j'ai bu et qui m'a fait du bien. Je suis revenu à ma place, devant la marche creusée au mur, j'ai pris mon fusil. Les hommes sont debout, le dos courbé. On va sortir. On sort. En avant, en avant, en avant, nom de Dieu! Un camarade. Douaumont, mai 1916. C'était un compagnon de misère. Nous étions sergents tous les deux. Je ne l'aimais pas beaucoup, je l'avais connu autrefois à la caserne, avant la guerre. Je me rappelle qu'à ce moment, nous suivions tous deux un cours d'élèves caporaux. Il était doux, paisible, un peu sournois, et j'entends, maintenant que j'y pense, sa voix quand il demandait quelque chose. Nous étions tous les deux à la même section. Au repos, c'était toujours une lutte un peu fausse pour savoir qui de nous trouverait une chambre. Nous aimions tous deux la solitude et dormir le matin, longuement, sans penser. Nous étions toujours les derniers quand il fallait se réunir ou rassembler les hommes. C'était le copain, le camarade banal, celui qui demande une cigarette et qui vous offre la moitié de sa boîte de conserve. À la guerre, on est amis ou simplement camarades. C'était un camarade. Et voici qu'il meurt près de moi. Ce matin, vers 11 heures, une balle lui a crevé le ventre. C'était au départ de l'attaque. Je courais à côté de lui. Je l'ai vu par terre 1 seconde. Sa figure était blanche, toute blanche, et sa main allait et venait pour m'appeler. Je l'ai dépassé. Je courais. J'ai reçu un petit éclat d'obus au cou. Puis, l'attaque s'est arrêtée sous les mitrailleuses, et depuis, je tiens une barricade. 5 hommes sont avec moi. Je crois que nous n'irons pas jusqu'au bout sans être touchés. La compagnie a fondu, disparu. Je suis avec un sergent de la 6e et des hommes que je ne connais pas. La barricade est faible, nous avons juste le temps de remplir des sacs et de les jeter dessus. Sans cesse, Fritz s'amuse à les déchirer à coups de fusil. On reçoit de la terre et des éclats de balles. Il n'y a plus rien à boire. Le lieutenant et mon dernier ami, Pierre J., mon chef de section, sont tués l'un sur l'autre et nous encombrent. Je ne sais où mettre la musette que j'ai prise à Pierre et que j'ai remplie de tout ce qu'il avait sur lui. Je voudrais bien que son ordonnance arrive pour emporter tout cela. S'il m'arrive malheur, on n'aura rien chez lui. Tout sera détruit ou volé. Sans doute, l'ordonnance viendra ce soir, quand le jour sera tombé. C'est à ce moment que je l'ai revu. On l'a traîné sur la plaine, et son tampon l'a couché dans un bout de tranchée qu'il remplit tout entière. Il m'appelle et demande si je suis là. Je voudrais bien qu'il ne soit pas là. Je ne peux pas m'occuper de lui. Et puis, je connais son mal. J'ai vu mon frère mourir de la même blessure. » Ici, des lignes censurées. « Il mourra plus vite si on le remue. » Je le vois en raccourci, c'est le clairon B qui s'occupe de lui. Il est sur le dos, sa tête aux cheveux sales, collée par la poussière, est appuyée sur une musette et roule doucement à droite, puis à gauche. Et sa main tient et serre sur ses lèvres un flacon d'alcool de menthe, vide, qu'il suce. Plus bas, la blancheur tachée de sa chemise, son pantalon baissé, ses deux cuisses et le paquet rougeâtre qui bouche le trou. Deux ou trois pansements au moins. Mais on ne peut plus les changer parce que la tranchée est trop basse et les balles nous casseraient la tête. Pour changer de place, il faut se traîner à plat ventre. Et puis à quoi bon? Il veut boire sans cesse. Les blessures au ventre, on ne doit pas boire. D'ailleurs, il n'y a plus rien à boire. Ce qui est ennuyeux, c'est de l'entendre qui m'appelle. J'ai eu le malheur de parler tout à l'heure un peu haut et il a entendu. Alors cela ne cesse plus. « Allez, es-tu là? Viens me voir. Allez, écoute-moi, fais-moi emmener par les brancardiers. Ne me laisse pas tomber comme ça. As-tu à boire ?» D'ailleurs, je crois qu'il va se calmer parce que sa voix change un peu. Il commence à voyager. Le soleil lui tombe en plein sur la figure. Il ne doit pas beaucoup souffrir en ce moment. Il ne m'appelle plus que par intervalle. Entre-temps, il gémit doucement ou crache. Je sais ce qu'il a. Il voudrait cracher tout ce liquide qui coule dans son ventre et le remplit. Mais il ne pourra rien cracher, cela s'en va par le trou du dos. Sa bouche est toute sèche et son nez se pince, devient mince, mince. Ils s'en vont tous comme cela, ceux qui sont touchés au ventre. Il me semble qu'il dure bien longtemps tout de même. Hier, avant l'attaque, au ravin du Basile, nous étions dans le même gourbi. Vers le soir, il m'a dit « Je suis sûr de ne pas revenir de la guerre, mais ce qui m'effraie surtout, c'est la souffrance. » Sincèrement, bien sincèrement, je crois qu'il n'y a plus rien à faire pour lui. Et puis je n'en ai pas la force. Je dois avoir ma tête d'attaque, sous mon casque trop grand, les yeux brillants, les lèvres jaunes, la figure couverte d'une suie bleuâtre, légère, légère comme de la farine. Nous sommes tous ici de cette teinte grise. » Ici, quelques lignes censurées. « Je ne peux pas bouger, je suis trop fatigué. C'est midi en ce moment. Ou 2 heures. Enfin, c'est l'heure du grand soleil qui tombe droit, rendant plus désolé et plus hostile la terre séchée, fendillée, qui tremble chaque fois qu'un obus tombe. Dans cette lumière qui brûle, on regarde crispé, tendu, la lisière jaune des sacs et le ciel bleu, bleu vif au-dessus, pour voir où vont tomber les grenades. Je ne peux pas bouger. J'ai trop peur, si je tourne la tête, qu'il en tombe une sur mon cou, dans mon dos. Tous nous sommes là, couchés, à regarder en l'air. Sous la main, des caisses pleines de grenades pour répondre. Et le soleil qui brûle fait couler le goudron sur les chapeaux de zinc qui protègent l'amorce. D'ailleurs, que faire? On lui a bouché le ventre avec un pansement, le mieux possible. Il est sur le dos. Le clairon lui tient les bras quand il veut remuer. Il n'y a qu'à attendre. Par instant, je pense à l'arrière. Je pense à Belray, au canal si tranquille. Je pourrais compter les feuilles qui flottent sur l'eau. Je vois sous le pont le reflet dansant du soleil. Comme on doit être bien là-bas. Et comme tout cela est loin de nous. Le soir tombe, il n'y aura pas d'attaque. Je l'attendais pourtant, cet horrible bout de papier crayonné qui devait venir. À 20h45, la 5e compagnie enlèvera la barricade du boyau Charles à la grenade et continuera l'attaque jusqu'au point 132. Cela a été toute notre vie depuis le milieu du jour, l'attente de cet arrêt de mort, cet épouvantable invite à sauter par-dessus le rempart de sac. La nuit vient et l'ordre n'est pas arrivé. J'ai causé avec le seul officier qui nous reste. Il paraît que l'attaque est arrêtée. Le 3e bataillon est arrivé sur la crête, mais il y a trop de pertes. Le 129e a le fort. Notre bataillon s'est arrêté sous les mitrailleuses intactes. Presque tout le monde. on s'organise sur place. Celui qui a fait une attaque mal préparée, qui s'est arrêté devant les Boches, s'est terré à quelques mètres de leur ligne et qui a pu vivre jusqu'à la nuit, celui-là seul peut comprendre tout ce que représentent d'espoir ces quelques mots « on s'organise sur place ». C'est fini, on s'en ira, on sera relevé sans attaquer. D'autres viendront qui prendront la barricade. Nous, ceux de nous qui auront épargné les obus, nous pourrons nous en aller, nous sauver, un par un, dans la nuit, filer le dos courbé, l'oreille attentive, au souffle qui s'approche, à l'obus qui passe, filer jusqu'au Basile, jusqu'au ravin hier maudit, ce soir tant désiré. Là-bas, il n'y a plus que les obus à craindre. À la nuit, deux sapeurs sont venus, le restant de la section du génie. Ils ont creusé 5 centimètres et puis se sont endormis de fatigue. On a mis le lieutenant L dans une toile de tente. J'ai trouvé l'ordonnance de Pierre qui a pris la musette et s'est enfui bien vite. J'ai pu faire passer mon pauvre mort sur le parapet. Mon Dieu, comme il était lourd! On ne pourra pas l'enterrer, il n'y a pas assez de monde pour enlever les blessés. Il faudra le laisser là. Ce n'est pas ma faute. On ne peut pas l'enterrer. Je n'ai plus entendu qu'une fois le sergent m'appeler. On l'a traîné un peu plus loin, sous un petit auvent en planche qui reste. Ses jambes dépassent, il est à peu près engourdi. Il m'a appelé, j'ai répondu que les brancardiers étaient là, puis je suis parti me faire panser, mon cou me fait mal et j'ai reçu des éclats sur la main. Quand je suis revenu, je ne l'ai plus trouvé. Les brancardiers étaient venus le prendre. Nous avons été relevés 2 jours après. On m'a dit à ce moment-là qu'il était parti tout de suite. À la citerne, où viennent les autos sur la route de Souville, un musicien qui le connaissait l'a mis dans une voiture. Il est mort en arrivant à l'hôpital. VI. En deuxième ligne. Bois de Fay, août 1916. L'obus est tombé vers 10 heures. Nous étions en train d'écrire sous notre toit de branches. Tout était calme dans le bois, sous les arbres baignés dans l'infinie douceur d'un matin d'été splendide. Le soleil déjà chaud filtrait à travers les feuilles, semant la table de taches claires, dansantes comme des reflets sur l'eau. Les soldats partaient à la soupe et descendaient la route droite qui va vers les cuisines. C'était le 3e jour de notre repos en deuxième ligne, à 300 mètres des tranchées du ravin des Bœufs. L'obus, un 88, a traversé le bois dans toute sa longueur sans toucher une branche, pour aller tomber sur la pente qui mène au ravin. Les Allemands ont souvent l'habitude de ces tirs de surprise, seul danger dans un secteur aussi tranquille. Vous tous qui avez fait la guerre, vous connaissez la plainte brève, sifflante, des projectiles de ce calibre et le claquement sec en coup de fouet qui brise aussitôt après le coup d'envoi. L'un de nous a dit simplement « les vaches » par habitude. Puis nous avons continué d'écrire. On en a tant reçu de ces obus. Seulement, celui-ci est tombé juste. Il nous a tué 4 hommes et 3 ont été blessés. C'est le coup de malheur, la mort stupide au repos, si triste. Du fond du bois, un homme est arrivé, en bras de chemise, nu-tête. Il boite et s'appuie sur 2 camarades. Nous l'avons entendu crier avant de le voir, saisi par l'attente du malheur qu'on devine. Il crie de toutes ses forces, une injure qu'il répète inlassable, ameutant les soldats qui accourent. « Bande de vaches ! Bande de vaches !» C'est Houël, de la 5e section. Il arrive au gourbi des brancardiers, proche du nôtre, et répond aux questions par son cri de colère, hébété par le choc, car ses blessures sont sérieuses. Les 2 cuisses traversées au-dessus du genou, on voit les plaies par les trous de la culotte en lambeaux. Du sang coule au long des jambes. Ses chaussures sont humides et toutes rouges. On le pense, et tout à coup, sans qu'il parle, nous comprenons qu'il y a des morts là-bas. Ici, des lignes censurées. Et nous partons tous les 3, très vite, le cœur serré pour aller voir là-bas ceux qui sont morts. Quand nous arrivons, 2 brancardiers descendent la pente avec une civière. Le blessé qui ballotte est caché sous une couverture. Les porteurs s'arrêtent et l'un d'eux découvre la figure. C'est Avenel, le cuisinier des sous-offres. Il agonise, une main coupée nette au poignet, la cuisson bouillie. Ses lèvres sont blanches, affreusement blanches. Il respire encore un peu par grands efforts haletés qui diminuent, deviennent lents, plus lents, à mesure que la vie se retire. Une de ses dents qu'il avait proéminente, à moitié sortie de la bouche et qui faisait rire les hommes, apparaît à chaque souffle plus jaune sur la pâleur des lèvres. Les brancardiers ont repris leur charge et s'en vont. Un sergent de la quatrième arrive et nous conduit. Le pauvre garçon est livide et sa voix tremble un peu. Il y a de quoi d'ailleurs, l'obus a éclaté au-dessus d'une table où quatre hommes faisaient la manille. Autour d'eux, d'autres jugeaient la partie. Un sergent est tué, Moulin, arrivé depuis peu de la division où il était secrétaire. Pauvre garçon, que les autres blaguaient quand il vint de là-bas, tout penaud d'avoir perdu sa place. Le choc l'a jeté dans un buisson contre la table. Ici, quelques lignes censurées. Deux blessés légers sont partis seuls au poste de secours. Le sergent qui nous a conduits raconte, et sa voix tremble un peu, car ce sont des anciens qui sont morts. Avenel, quand on l'a ramassé, a dit simplement « Pauvre héros sans gloire, occupez-vous du sergent d'abord !» Puis il a perdu connaissance. Autour de nous, les hommes sont troublés et s'agitent. Pas mal de bleus à la section qui n'ont pas encore vu grand-chose arriver depuis Verdun pour combler les vides. On les disperse car l'endroit n'est pas bon et tout de suite on s'occupe d'enlever les cadavres, d'effacer jusqu'aux traces de la mort affreuse, stupide, de ces trois malheureux. D'ailleurs, ils n'ont pas dû souffrir. La table est tachée de sang, déchiquetée par places. L'odeur souffrée de l'explosion demeure aux branches, aux objets qu'on touche. VII. Amertume. Montgirmont-les-Éparges, octobre 1916. La tristesse est infinie de ces jours d'hiver lugubres où la pluie tombe du ciel bas, monotone et sans fin. Que faisons-nous là, pauvres êtres transis, dont le cœur déchiré crie de tout son sang vers la paix, l'amour, la lumière et la douceur de revoir ceux qui sont loin, si loin. Nous les sentons séparés de nous par des étendues sans bornes et des infinies de souffrances. Comment passerons-nous ces mois d'hiver, ces si longues nuits et ces jours si ternes qu'il semble qu'à jamais que le soleil soit mort? Et cet hiver est le troisième que nous vivrons ainsi. Non, vous ne savez pas, vous ne pouvez pas savoir la désolation ni l'affreuse tristesse de ceux qui pensent là, qui souffrent sans pouvoir se plaindre, qui n'ont pour marquer la fuite des heures qu'un peu plus froid quand vient le soir, un peu plus de détresse et d'angoisse quand le jour s'éteint. Qui dira le martyre de ces hommes arrachés du bouge infect où le sommeil lourd de fatigue les a couchés, joues creuses et lèvres pâles, et qui s'en vont courbés sous la verse au créneau plein de fange où les attend la longue veille immobile, la veille glacée dans la boue qui s'enfonce, avec devant les yeux le noir de la nuit, la mort peut-être tout à l'heure si leur jour est venu. Et ces hommes s'en sont allés sans se plaindre, ils s'en iront d'eux-mêmes deux autres fois dans la nuit, et demain reviendra leur tour. Or ces hommes n'ont rien à défendre, ils n'ont pas de terre chez eux, ni d'argent qui les attendent, et qu'ils sentent là-bas, derrière eux, pendant qu'ils veillent. Beaucoup sont mariés, et leur pauvre demeure a tant besoin d'eux. Beaucoup savent, il faut bien le dire, qu'un autre a pris leur place, et que leur femme s'endort sur une autre poitrine. Ces hommes le savent, et ne se plaignent pas. D'ailleurs, ils ne savent plus se plaindre. Tout s'est éteint lentement dans leur pauvre cœur fatigué de souffrir. Trop d'angoisse est en eux. Trop d'heures sombres ont lassé leur chagrin. Ce ne sont plus des hommes qui sont là, ce sont des bêtes à figure d'homme qui savent seulement grogner quand la soupe est mauvaise ou quand la mort a passé trop près d'eux. Et puis ce sont les grands coups d'ivresse qu'ils ont peu à peu fait ce qu'ils sont. Pour oublier, il faut boire. Quel bon sommeil de brute! Ils dorment quand ils ont pu s'emplir de vin jusqu'à tomber, jusqu'à rouler n'importe où, sales et sanglants encore, des affreux combats où il faut tuer pour ne pas être tué. Ah, le sommeil du soldat qui s'enivre au repos, que les heures sont douces pour celui qui sait boire. Après ? Oui, mais après ? Bah, demain est loin et si peu sûr. Va donc, donne tes sous, pauvre brute, tends ton vieux bidon sale qu'on l'emplisse. Et puis, couche-toi sur la litière, renverse ta tête en arrière, saoule-toi de ce vin qui sent l'encre et le campêche et qui va te jeter là, bouche violette et lèvres pincées, quand tu ne pourras plus t'emplir, quand tu auras crié, chanté, sorti ton couteau, gueulé contre tes chefs et contre tous, quand on t'aura poussé du pied contre un mur, ta pauvre tête en plein soleil, souillée de ce vin noir qui met sur toi comme des taches de sang, alors tu partiras loin, bien loin, si heureux dans l'oubli profond de ton lourd sommeil de bête. Et partout, depuis la mer jusqu'aux neiges d'Alsace, des milliers et des milliers d'hommes souffrent aussi, sur qui lentement pleure le ciel. Tous ces pauvres gens ont vécu, ont aimé, ont eu des jouissances, autrefois, et des peines. Ils ont senti contre leur chair la tiédeur d'une autre chair qu'ils ont possédée. Ils ont été laboureurs, ont taillé la vigne, planté, travaillé, peiné pour donner la vie et le pain à d'autres qui étaient leurs petits. C'est pour cela qu'ils sont ici, pour cela que souvent ils meurent. Que donneront ces hommes quand ils reviendront, s'ils reviennent ? Devant moi, la tranchée s'étend qui lentement s'effrite et glisse sous la pluie. Des hommes sont là, deux, trois, quatre, une escouade. Je vois leur dos qui frissonne et leurs mains rouges. Je sais que bientôt, ce soir peut-être, la mort en prendra quelques-uns. Seras-tu toi qui somnole de froid, toi qui manges et dont je vois les dents sales tirer sur la viande et mâcher lentement le pain qu'on t'a donné, toi qui fumes ou toi qui lime une bague accroupie dans l'urine et la fange? Quel sera le premier que je verrai tomber? Quelle bouche s'ouvrira la première en hurlant pour cracher le sang et l'écume violette? Dans quelle poitrine entrera le fer avec ce choc sourd et mat de linge battu? Quelle tête se fendra, laissant couler sur l'épaule, avec une pluie vermeille, un paquet sanglant de cervelle? Quelle sera la première veuve, et quel orphelin pleurera le premier? Sera-ce moi qui serai tué? Nous sommes tous égaux devant la mort, et ma peau vaut la tienne, pauvre idiot qui grommelle et murmure à mon passage. Et toi encore, peut-être souffres-tu peu dans ton âme, car ton cœur on l'a tué, et ta chair douloureuse seule gémit. Voici le soir qui tombe, les hommes s'en vont sans se plaindre à leur place marquée, et la nuit qui descend les estompes, fantômes imprécis qui se perdent à la file dans la brume glacée. Je suis rentré dans mon abri. Une lampe a brillé sur ma table, je me couche et j'ai chaud. Je pense, je vois que mon sort est moins dur et qu'il faut plaindre les hommes, qu'il faut les plaindre de tout son cœur et s'efforcer de les aimer. Ce sont eux qui souffrent le plus et qui toujours, après tout, ont le moins de raison d'être là. Pauvres soldats, je vous aime. Si parfois, à bout de force, votre âme misérable se lève contre moi, ce n'est pas votre faute. Et jamais je ne vous en voudrais. Ah, qu'il serait bon de pouvoir vous toucher à l'épaule et vous dire à chacun « Va-t'en, tu es libre, va-t'en chez toi. Si là-bas tu souffres parfois encore, du moins tu pourras t'étourdir, puiser dans la vie ce qui est bon, tout ce qui te fera jouir dans ton corps, tout ce qui endormira ton cœur en te faisant oublier ton chagrin. » VIII. Les lettres. Rupt en Voèvre, novembre 1916. Je ne sais rien de plus navrant que ces pauvres lettres naïves qui viennent un beau matin, trois semaines, un mois après la dernière affaire, demandant des nouvelles des disparus. Nous autres, l'habitude nous a rendus très durs. Les soldats qui sont tués, nous les oublions vite. On les nomme une fois, avec un mot de regret. On dit « La compagnie a perdu quelques-uns des vieux, un tel a été tué. » Vraiment, c'est un malheur, c'était un bon garçon, et du début. Le sergent-major vient le jour de la relève, fait l'état des pertes, et puis, On passe. D'autres soldats arrivent et remplacent les morts. Tant d'amis sont tombés depuis 2 ans de guerre. La consigne est de ne pas penser, de ne pas regretter. On se quitte, on se perd. Quelquefois en causant avec les vieux qui restent et qui les ont connus, on parle encore d'eux quelques minutes, aux tranchées, autour du brasero qui fume, les jours tristes où le besoin nous prend de n'être pas tout seul. Si le mort n'était pas un ami véritable, un des rares amis qui nous aident à souffrir, on l'oubliera bien vite. Et vraiment, il vaut mieux qu'il en soit ainsi. Seulement, ces lettres sont affreuses à lire. On les reçoit toujours un beau jour de repos, quand les nerfs se détendent et qu'il fait si bon revivre, quand on peut réfléchir et retrouver un peu de son cœur d'autrefois. Depuis un mois, nous avons quitté les éparges, après la mine. J'ai eu toute une de mes sections qui a sauté. Pas un homme n'est revenu. Les cadavres ont été brûlés, enterrés. On a retrouvé 2 corps, en tout, je crois. Les autres sont portés disparus. Nous n'avons pas la preuve matérielle de leur mort. Personne n'a pu signer leur acte de décès. C'est pour cela que viennent ces lettres. Et jamais je n'ai pu lire ces pauvres demandes sans avoir le cœur qui se serre et sans penser à ceux des miens que j'ai perdus. Ce matin, la femme de Loumo m'écrit. Loumo, le père Loumo, un bon Normand que nous aimions beaucoup, un excellent soldat, toujours calme, poli, jamais une plainte, un de ceux que l'on se dispute entre officiers, que l'on peut, quand il le faut, laisser 1 heure de plus au créneau sans qu'il gueule, un de ces gars sur lesquels on peut compter, qui respectent leur chef et les aiment. À chaque permission, le vieux brigand rentrait sous, du calvados plein ses musettes, du vrai de chez lui qu'il distribuait à l'escouade, et toujours le lendemain, un peu gris encore et l'œil trouble, il venait m'apporter une fiole du meilleur qu'il avait eu la force de garder pour moi. Souvent, le soir, aux tranchées, nous causions de sa ferme, et je parlais culture avec lui. Vraiment, je l'ai bien regretté, le soir de la mine. C'était un de ces hommes sûrs et dignes comme il y en a quelques-uns dans la masse. Ceux-là, on ne les remplace pas quand ils sont morts. Jamais je n'oublierai le respect de cet homme quand il me parlait, et pourtant je n'ai que 23 ans, il en avait 34. La lettre de sa femme est bien semblable à celle que nous recevons tous, un gros papier rayé et sur l'enveloppe une adresse appliquée, travaillée, avec des tas de détails inutiles, la division, le numéro du corps d'armée. On sent que cette pauvre femme a peiné pour écrire convenablement, correctement, à l'officier de son mari. Je transcris quelques passages. « Excusez, monsieur le lieutenant, si je prends la liberté de vous demander des nouvelles de mon mari, Henri Loumo, soldat à la 3e section. » Et plus loin, une voisine a reçu des nouvelles d'un soldat de la compagnie Ferrer qui était avec mon mari et qui est disparu. Et je sais que le régiment a eu des explosions de mines. Cette femme est la veuve d'un cultivateur et n'a pas d'instruction. Elle ne sait que travailler et donner toute sa force physique au dur labeur qui vieillit si vite. Pourtant, dans son cœur, quelle délicatesse en rappelant l'affection de son mari pour moi. Monsieur le lieutenant, pardonnez-moi si je vous dis que mon mari, quand il venait en permission, parlait toujours de vous. Il disait qu'il vous aimait beaucoup et que vous l'estimiez. J'ai le cœur déchiré d'être sans nouvelles depuis 1 mois qu'il ne m'a pas écrit. Et je revois la mort de ce pauvre garçon. La mine a sauté vers 7 heures du soir sur l'éperon des éparges, tout au bout de la crête, au fameux point X. L'entonnoir avait au moins 180 mètres de long. Tout un pan de la colline a glissé, creusant cette brèche effroyable. Loumo était au bas de la crête en petit poste avec 2 camarades et ce Ferrer dont parle cette femme. Ils n'ont pas été tués par l'explosion, mais engloutis sous la masse de terre éboulée. 2 jours après, nous n'avions pu reconnaître encore l'endroit où ils étaient. Ce n'est que le jour de la relève qu'un sergent de chez moi crut reconnaître un arbre brisé qui servait de repère. 1 mètre à peu près du tronc dépassait. J'ai posé la pauvre lettre pitoyable. Je sens la tristesse qui monte, qui va me gâter 1 jour de calme. Qu'est-ce que cela, d'ailleurs? cette femme connaîtra bien d'autres souffrances. Je ne répondrai pas à sa lettre. D'abord, cela nous est défendu. Il faut écrire au trésorier du régiment, ou au dépôt, je ne sais pas au juste. Les officiers n'ont pas à répondre. Souvent, on le fait tout de même, par pitié, mais moi je n'ai jamais eu ce courage. Au fond, je crois qu'il vaut mieux quelquefois ne pas répondre. Cette malheureuse comprendra qu'il est mort. Il est inutile de lui dire nettement ce qui s'est passé. Non, vraiment, mieux vaut ne rien dire. Et puis, mon Dieu, n'y pensons plus. Notre calvaire est assez dur. Si nous devions penser à tous ceux qui sont morts, notre fardeau de tristesse deviendrait trop lourd à porter. En guerre, on est bien forcé de vivre pour soi-même, en écartant ce que l'on peut de tristesse. C'est un devoir. J'ai déchiré la lettre et jeté les morceaux au feu. Je les regarde brûler. Dehors, il pleut toujours et les carreaux crépitent sous l'averse. Malgré moi, je songe à la détresse de cette femme qui peut-être ce soir entend la pluie qui tombe. Elle sanglote dans le noir en appelant son mort. IX. La mort du Christ. Ravin de France, janvier 1917. C'était un grand Christ en bois peint, tout saignant, accroché sur sa croix au tournant de la route. De pieuses mains avaient planté pour lui donner de l'ombre trois tilleuls, et tout autour de lui, pendant les mois d'été, bourdonnaient les abeilles. Depuis longtemps, les paysans du voisinage s'en venaient le prier, les jours tristes d'hiver, quand la souffrance est dure. Quelquefois, aux grandes fêtes d'été, de longues théories de fidèles venaient lui apporter des fleurs. Un prêtre les menait. Sur les marches hautes, son geste était sublime pour bénir tous ces gens à genoux. Au fond de ce pays sauvage, le Christ était vraiment Dieu. Les hommes croyaient en lui et pratiquaient son culte. Pauvres gens qui peinaient sur cette terre pauvre et pour vivre tressaient des corbeilles avec l'osier des marais. Le chemin ombragé montait serpentant tout au long de la forêt splendide. Quand venait le soir, un rayon de soleil qui passait dans les branches, tout rouge, faisait au Christ une gloire de pourpre avant de disparaître derrière la colline. Les bûcherons qui passaient, revenant du travail, devant lui disaient une prière. Ce Christ était puissant, il guérissait les fièvres. La face douloureuse tournée vers le ciel semblait prendre son Père à témoin des souffrances des hommes et pour eux implorer sa pitié. La foi naïve du statuaire avait, sur sa tête ensanglantée, tressé la couronne d'épines, sanglé sa taille maigre d'un linge aux plis tordus et placé sur la croix l'éponge avec la lance. Et voici que la guerre est venue. Des mois déjà se sont passés depuis que les hommes se battent. Ici, maintenant, la tranchée où l'on se terre, où l'on guette, où l'on meurt, s'étend dans la forêt, tout autour du grand Christ. Sur le bord du chemin, défoncé, bouleversé par les gros projectiles, les arbres sont couchés, mutilés, pleins de fer. Leurs grosses racines qui se dressent sont, les jours d'attaque, des abris pour les hommes qui se cachent derrière. Sur cette route sont passées d'abord les troupes grises victorieuses qui chantaient et, mensongères, présentaient l'arme au bon Dieu. Les gros canons roulaient et le Christ, navré, regardait vers le ciel. Plus tard, ces soldats de l'Allemagne, vaincus, sont repassés par là, silencieux, pleins de rage, pendant que déjà leurs travailleurs habiles creusaient le sol et jalonnaient la ligne où s'arrêta leur retraite, les fuyards qui se hâtaient regardaient le bon Dieu de travers. Puis d'autres sont venus. La croix est maintenant en terre française, tout au bord de la France, et l'on se bat autour d'elle. Le Christ a vu passer les soirs sombres d'attaque de longues files d'hommes qui marchaient sans bruit pour s'en aller un peu plus loin mourir. Ces jours-là, partout les balles voyageaient, claquant au tronc des arbres, et le canon flambait par grands éclairs. Le Christ a vu les blessés qui passaient sur la route, sanglant sur les brancards et la face de cire. Et parfois, l'un d'entre eux le regardait au passage et maudissait son nom en criant de souffrance. Ces jours-là, le Christ, méprisé, suppliait le ciel avec des sanglots. Ô mon père, pitié pour ces hommes qui tuent. Vois mon corps tout meurtri et déchiré. Ne sois pas sans pitié, pardonne à leur folie. J'ai souffert et donné ma vie pour les sauver. Je puis mourir encore pour ces hommes que j'aime. Donne abri dans ton ciel à tous ceux qui s'en vont et fais moins dure leur souffrance. Cependant, les soldats français qui passaient sur la route n'avaient point de regard pour sa pauvre figure. Bien peu songeaient à Dieu quand ils voyaient le Christ. Les damnés n'ont plus de prière. Ce matin, quand je me suis levé, le ciel était lugubre. Depuis un mois déjà que nous sommes ici, la pluie n'a guère cessé, et ce matin il pleut encore. Sur les troncs d'arbres noirs, l'eau ruisselle, et le vent humide chasse les nuages gris qui, lentement, voyagent là-haut. La tristesse infinie de ces journées d'hiver ajoute à nos souffrances une peine de plus. Au repos, pour 10 jours, dans ces tranchées plus calmes, les hommes n'auront pas une fois dormi sur de la paille sèche. Leurs pieds sont glacés et tout gonflés par l'eau. Chaque matin, en sortant de l'abri sous la terre où les officiers logent, je revois le pauvre Christ immobile. Chaque jour, il semble plus maigri, chaque jour plus sale. Vraiment, l'antithèse est navrante de ce Dieu qui mourut pour apporter aux hommes un peu de son amour afin qu'ils soient meilleurs, et du sombre tableau que domine sa croix. Or, ce matin, je vois que le Christ n'a plus de regard. En plein visage, une balle est entrée. Toute la face est emportée. Le bon Dieu n'a plus de figure. Sur le bois de la croix est restée la couronne d'épines. En moi-même, je songe qu'il vaut mieux qu'il en soit ainsi. Vraiment, ses pauvres yeux voyaient trop de misère. Son regard de bonté n'était pas bien ici, où la bonté n'est plus. Que servait ton image pitoyable au milieu de ces gens dont le cœur est durci? Trop de souffrances et trop d'angoisses ont fait crier ces hommes pour qu'ils pensent à toi, pauvre Christ inutile. Ta présence au milieu de l'enfer où nous sommes apportait à ces gens l'ironie trop cruelle du mirage divin. Il vaut mieux que ta face soit morte. La pluie redouble et sur la route des hommes sont venus. Ce sont les cuisiniers qui vont chercher la soupe, un à un, trébuchant et courbé sous l'averse, et pas un qui ne souffre. Le dernier, tout gamin, passe en levant la tête. Quand il voit le Christ, un sourire méchant découvre ses dents sales, et je l'entends qui crie aux copains qui s'éloignent. Hé, Martin, vise un peu le planton de séchoir qui en a pris un coup dans la gueule. X. Un beau souvenir. Damary, juin 1916. Les soldats sont revenus de Verdun, au village même qu'ils ont quitté pour aller se battre. 8 jours affreux, passés dans la fournaise, au milieu des morts, sous la pluie de fer qui jamais ne s'arrête. La faim, la soif, la peur, l'effroyable fatigue de ces heures d'enfer ont fait de ces hommes, partis robustes et pleins de vie, d'étranges figures de spectre, aux yeux cernés, creusés de fièvre, aux joues maigres, à la démarche lente et lassée de vieillards. Dans le jour, ils dorment, couchés sur la paille, au fond des granges, et vont s'enivrer le soir pour oublier. Si peu sont revenus qu'il est étrange de savoir qu'un régiment est cantonné dans ce village. Au long des murs, quelques soldats qui rôdent, un bidon vide à l'épaule, 2 fois par jour. La soupe met un peu de vie dans les cours de ferme où fument les roulantes. Des hommes passent et s'interpellent, cuisiniers d'escouade, porteurs de grands plats de campement remplis de viande. Puis le silence retombe et le village semble mort sous le grand soleil. Cela dura 3 jours, 4 peut-être, et puis l'oubli vint, très vite. On reprit l'existence régulière et monotone du repos. Seulement, les renforts attendus ne vinrent pas, dirigés sur Verdun en cours de route. Le matin, ce sont des compagnies de 30 hommes qui vont à l'exercice. Un sergent les mène. Le clairon sonne le soir à la tombée du jour et des bougies s'allument aux portes des granges pour le coucher. Les ivrognes chantent comme autrefois, de leur même voix fausse et monotone, et sur la route, bien avant dans la nuit, s'en vont et reviennent les étoiles rouges des cigarettes que fument les officiers, 3 lieutenants en tout, revenus de l'attaque. Dans ce village, Quelques jours plus tard, devant ses soldats qui venaient de se battre, le colonel du régiment a décoré 3 hommes de la médaille militaire et remis la Légion d'honneur au lieutenant M., mon commandant de compagnie. Je n'oublierai jamais l'impression profonde et poignante que cette prise d'armes m'a faite. C'était le matin vers 10 heures. Les compagnies, rassemblées de bonne heure, étaient alignées sur la place, devant la mairie. Compagnies fantômes, si peu nombreuses en hommes qu'une fois le régiment réuni tout entier, notre cœur s'est serré de chagrin. Sous les arbres en quinconce, la musique avec le drapeau. Un grand espace vide formé par le carré des soldats qui présentaient les armes. Au milieu, l'officier et les 3 soldats proposés pour la médaille. Tous les habitants du village sont venus. Des femmes pleurent en voyant ce qui reste du beau régiment parti, voilà 15 jours peut-être, dans le nuage de poussière des camions automobiles, au milieu des cris d'adieu et des appels à ceux qui partaient et jamais ne devaient revenir. Le colonel a commandé « Au drapeau !» Les baïonnettes brillent, immobiles, et les clairons sonnent. On a souvent ri des parades militaires, moi comme les autres, pour tout le factice de leur éclat et le convenu des attitudes. Je vous assure que pas un de nous n'avait envie de sourire à ce moment-là. La pensée de tous est là-bas, sur les pentes de Douaumont, dans la fumée grise de la poudre, avec ceux qui sont morts. Maintenant, notre colonel décore l'officier et les hommes. Dans le silence profond qui règne, on entend quelques mots répétés « Au nom du président de la République, pouvoir, Légion d'honneur » et derrière nous, un sanglot de femmes qui monte. Bien des soldats sont morts là-bas qui ont vécu leur dernier amour dans ce village. Fermez le banc ! Une batterie de tambours, puis le régiment défile et présente les armes en passant devant le drapeau. J'ai rarement eu, comme ce jour-là, l'impression du bon vouloir des hommes. Les compagnies ont défilé d'une façon splendide et les soldats mettaient tout leur cœur dans le geste brutal qu'ils avaient en abattant leurs fusils pour saluer. Vraiment, ces heures-là sont belles.